Alors, Anne-Marie, on va essayer de reconstituer un petit peu l'histoire. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter en premier lieu vos souvenirs, enfin le rapport que vous avez eu, le premier rapport que vous avez eu, les premières relations que vous avez eues avec les habitants donc de la Campa et de apparemment de Nanterre, parce que Noisy-Grand après. Mais moi, quand j'habitais à la Campa, je travaillais à la cité d'urgence du Stain. D'accord. J'allais dire du Moulin Neuf, c'est pas du Moulin Neuf, c'est de la Cerisée. Mm-hmm. Mais j'habitais donc dans le bidonville parce que donc j'étais venue comme volontaire avec le père Joseph Rezinski dans le mouvement ATD Quart-Monde. Et donc il y avait différentes politiques pour faire travailler les gens. Donc moi je m'occupais de ce qui s'appelait le pivot culturel à Stain. Mais j'habitais avec l'équipe qui travaillait à la Campa. Et il y avait des gens qui travaillaient à la Campa qui n'habitaient pas sur place. Et vous, vous avez habité sur place? Et moi, j'habitais dans les caravanes. Non. Ah si, si, une année. Enfin, pas tout à fait une année. Si, si, j'ai habité dans le bidonville. C'est-à-dire avec les conditions des habitants, pas d'eau, pas pendant de toilette. Oui, presque une année. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, vous étiez pratiquement un habitant de... J'étais habitant. Ouais. C'était mon domicile, j'en avais pas d'autre. D'accord. Dans une caravane. D'accord. Et cette caravane qui... C'était des caravanes, alors qui étaient, par rapport à aux habitations des gens, c'était grand luxe, parce que c'était des grandes caravanes du FAS. C'est quoi le FAS? C'est Fonds d'Action Sociale, ça existe D'accord. encore, je crois. Ouais. Donc, on avait des caravanes dans lesquelles on habitait, donc c'était assez grand, mais... Bon, j'ai aucune photo, mais il y avait une pièce principale, avec une salle de bain, enfin une douche, et deux petites chambres, une à chaque bout. Donc on était deux par caravane, et il y avait, je ne sais plus si c'est trois ou quatre caravanes. Je suis sûre qu'il y avait deux caravanes pour habiter, parce qu'on était quatre à loger sur place. Il y en avait une qui servait de bureau d'accueil à l'assistante sociale qui était là, et il y avait une fille qui était infirmière, et je ne sais plus s'il n'y en avait pas une quatrième. Et il y avait comme autre structure, il y avait une espèce de baraquement qui servait à faire des réunions, et il y avait un très beau petit chalet qui servait de jardin d'enfants. Donc il y avait deux femmes qui étaient jardinières d'enfants. Donc qui prenaient les enfants du terrain à l'école, d'accord, sur place, les petits. Donc moi, ma fonction, c'était d'être habitante là. Et donc je côtoyais l'équipe et les gens... Disons que j'avais pas affaire à eux directement dans un travail, puisque moi je travaillais à Stain, mais je les côtoyais dans la vie, quoi. D'accord. Alors vous étiez... Donc on était dans la même boue, dans le... etc., etc. Et râle... On était en quelle année, là? Là, c'était 68-69. D'accord. C'est-à-dire que c'était juste la période de ce qu'on a appelé, mais que vous connaissez sûrement, la résorption des bidonvilles. Mm-hmm. Donc j'ai vécu ça aussi, là, je dirais, quasi comme un traumatisme. Pourquoi? Et quand j'ai revu même les photos de ce mec à l'exposition, ma colère est revenue. Il était en photo, celui qui... Je ne sais plus son nom, mais il était chargé de la résorption des bidonvilles. Mais c'était un élu? Dans le cadre de la préfecture, non, c'était un fonctionnaire, je pense, de la préfecture de police. Et donc... ils ont fait des choses atroces, mais on va pas partir à ça tout de suite, ça c'était non. À la fin. D'accord. Donc bah, moi j'ai découvert ça, j'avais 24 ans, j'arrivais de Nancy, où j'avais déjà eu des contacts avec des gens, je m'occupais comme bénévole déjà de faire un peu, genre alphabétisation, choses comme ça. Vous étiez étudiante ou pas? Non, je travaillais, moi j'étais institutrice. Vous étiez instite, oui. D'accord. Okay. Donc là, j'ai quitté mon travail, j'ai pris un an de disponibilité pour venir comme volontaire à ATD. Donc, j'ai découvert ça. Ouais, c'était étonnant, mais en même temps, je veux dire, c'était riche comme contact, parce qu'il y avait, bon, ça, je vais vous répéter des choses que vous avez déjà entendues, sûrement. Non. Il y avait une communauté yougoslave, ça fonctionnait, vous avez vu des par photos. Par communauté. Voilà, il y avait des, donc il y avait des gitans, mais qui, de différentes, il y avait des roms, il y avait des espagnols, il y avait, enfin, je ne saurais pas dire toutes les distinctions, mais ils n'étaient pas tous de la même origine et ils n'habitaient pas au même endroit sur le terrain. D'ailleurs, je fais encore les gestes, hein, parce que eux qui étaient là, les Espagnols, tout le quartier espagnol était plus par là et les Yougoslaves étaient devant nos caravanes. Donc, il y avait quand même une forte communauté de ce qui s'appelait à l'époque des voyageurs. Ouais, les gens du voyage. Les gens du voyage, mmh. Voilà. Mais qui vivaient dans des camions qui n'avaient pas de roues. Donc pour voyager, comme disaient certaines femmes du terrain, c'est pas facile. Mmh. Mmh, voilà. Et vous parlez pas des Maghrébins ? Il y en avait et je n'en ai pas de souvenir. C'est marrant. Mais il ne devait pas y en avoir tant que ça. Parce que nous, pour le moment, on n'a vraiment que des contacts de gens maghrébins. Alors moi, je n'en ai pas. J'ai le souvenir juste d'un seul mec. Parce que lui, on ne pouvait pas l'oublier. D'abord, il draguait une des filles, parce qu'on était toutes quand même assez jeunes. Enfin, il draguait à sa façon. Ouais. Il tenait un bar à Paris, il avait la gueule en or. D'ailleurs, c'était son surnom. C'était sûrement un truand, parce que les flics sont venus plusieurs fois aux nouvelles. Mais lui, oui, mais les autres, personnellement, je n'en ai pas de souvenirs. Moi, j'ai des souvenirs beaucoup plus précis de cette communauté gitane, parce que c'est surtout ceux-là qui étaient touchés par le jardin d'enfants. Ah, qui touchaient Qui allaient au jardin d'enfants. Pourquoi plus ceux que les autres, à votre avis ? Je ne pourrais pas dire à l'époque pourquoi, mais j'ai une amie qui était jardinière avec qui j'ai pas reparlé, mais je pourrais reparler avec elle. C'était elle qui tenait la classe en 68-69. Peut-être que les autres allaient à l'école maternelle, peut-être, hein, sans garantie. Parce que je me souviens que la communauté espagnole, par exemple, les mômes allaient à l'école, sortaient du terrain avec des chaussettes blanches. Si vous avez une idée de l'état d'un terrain où habitent des gens bidonvilles, et la quantité de boue qu'il peut y avoir, c'était une performance. Mais les gens qui allaient travailler, par exemple, ils avaient leur paire de chaussures dans un sac, et ils traversaient le terrain avec les vieilles chaussures, et arrivaient sur la route qui passait en face de la cité Floréale, ils changeaient de chaussures, parce qu'ils voulaient arriver propre. Et surtout ne pas dire où ils habitaient, c'était vraiment une honte d'habiter là. Ah bon ? Moi je me souviens encore du regard des gens quand on descendait de l'autobus et qu'ils nous voyaient aller sur le terrain. Parce que ils vous regardaient vous, c'est... Ah bah oui, semblait des gens venus d'une planète, quoi. Non, mais je veux dire, et quand les gens vous voyaient, ils vous identifiaient comme bénévole, non pas comme... Non, mais ceux qui étaient dans le bus, ils savaient pas. Ouais. Puis on s'en fichait aussi. Donc vous étiez aussi assimilé à... Ah oui, je veux dire, je vois encore certaines fois quitter le bus et regarder les gens et voir la tête qu'ils faisaient quand... Des têtes comment ? Bah étonné, enfin. Et puis je veux dire, ces gens-là, ils faisaient très peur. Je veux dire, il faut imaginer que la police osait à peine rentrer sur le terrain. Mais est-ce qu'il y avait effectivement de quoi avoir peur ? Moi, j'ai jamais eu peur. Jamais. On avait une vieille gitane qui nous donnait des médailles pour nous protéger. Parce qu'on était des petites dames trop jeunes, alors elle disait, je vous apporte ça pour vous protéger. Donc... voilà quoi. Alors, si on part sur vos souvenirs, donc il y avait donc les caravanes, hein, oui. Enfin vos caravanes à vous. Vous étiez donc avec une collègue, c'est ça ? Oui, moi j'étais avec la fille qui était de formation infirmière. Et il y avait l'autre femme, elle était belge. L'autre c'était une femme de Haïti qui était plus âgée que nous, qui était assistante sociale et qui tenait bien la route. Et l'autre, c'était une femme... Vous voulez répondre peut-être, non ? Oh, je rappellerai après. D'accord. Mais donc, l'autre fille, elle s'occupait plus... elle faisait des réunions avec les adultes et tout ça. Donc, moi, je me souviens avoir participé à quelques rencontres comme ça le soir. C'est marrant parce que j'ai pensé, depuis que je savais que j'allais vous rencontrer, j'ai surtout des images comme ça qui me sont restées. Ouais. C'est par exemple ces réunions où il n'y avait que des hommes gitans, avec leur chapeau. Mm-hmm. Ils étaient quasi en costume, chapeau, et puis ça discutait. Et nous, on était des femmes, mais pour eux, on n'était ni des femmes ni des hommes, je pense. On était des volontaires Il y avait un certain respect? Oui. On n'a jamais, moi j'avais 24 ans, il n'y a jamais eu de problème. Jamais. Je ne pourrais pas dire le contraire. Mm-hmm. Et... Mais bon, je veux dire, on était aussi quand même formés par le mouvement. Je pense qu'on savait se positionner quand même. Mm-hmm. Et le fait d'être à plusieurs, de faire du travail d'équipe, d'avoir des réunions, je pense que ça fait aussi que, bon, le fait qu'on respectait, je crois, énormément les familles aussi. Mmh. Bon. Et alors ces réunions, c'était dans une, je dirais, une baraque qui servait de centre de rencontres, d'activités, qui était, je sais pas qui est-ce qui l'avait construite, parce que je me souviens qu'avant nous, il y a eu une volontaire toute seule qui a habité sur le terrain au départ, parce que c'est pas non plus évident d'aller s'installer comme ça sur un terrain. Mais nous, on était à l'équipe à laquelle j'appartenais, on est arrivé et c'était déjà installé. Je veux dire, pour les habitants. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faisiez pour aider ces gens-là? Il y avait, l'école pour les petits. D'accord. Il y avait. Donc les mamans pouvaient aussi participer à des activités dans l'école. L'alphabétisation? Non. Pour venir jouer avec leurs enfants. D'accord. Les filles, on essayait aussi de faire un peu d'éducation à l'alimentation, donc elles faisaient des goûters, de la cuisine avec les enfants et les mamans, des choses comme ça. Il y avait donc l'assistante sociale qui aidait énormément pour les histoires de papier, parce que ça n'a pas changé. Il y avait déjà beaucoup d'histoires avec les papiers. Et puis, il y avait ma collègue qui était infirmière qui faisait un peu de soins, mais pas beaucoup, quoi, disons. Et puis, il y a eu beaucoup de travail de fait, de réunions pour le relogement, puisque c'était cette période où on y était. Donc, il y avait... Mais c'était la dernière année, là, les caravanes à TD, là, elles étaient là depuis combien de temps? Parce que vous ça, étiez là un an, mais... Il faut voir ça avec le mouvement, ils ont des archives extraordinairement bien faites. Donc, mouvement ATD. ATD, Carmonde. Vous avez jamais été en relation avec eux? Bah, moi non, personnellement. Non, mais... Parce qu'eux, ils sont à différents endroits. Mais les archives du mouvement, c'est au centre Joseph Brzezinski à Baillé en France. C'est où Baillé en France? C'est dans le Val d'Oise. Ouais, c'est le Val d'Oise. Ouais. Ils sont à Mairie-sur-Oise, ils sont à Pierrelaye. Au niveau de la formation des volontaires, après c'est sur là le terrain. On récupère des données. Alors là, vous allez, c'est une mine. Hein. C'est une mine. Alors qu'est-ce qu'ils vous communiqueront? Ça, je ne sais pas. D'accord. Mais bon, c'est quand même un mouvement qui a fait énormément d'études, d'écrits, de livres, de toutes sortes de choses. D'accord. Parce que moi, j'ai de la documentation qui date de l'époque où j'ai travaillé, mais j'ai recherché ça et c'est toujours. Plutôt sur Noisy-le-Grand. J'ai rien trouvé dans les revues qui s'appelaient Igloo. C'est plus sur Noisy-le-Grand. Mais là, quand vous parlez des caravanes, c'est bien la Campa. Hein? Ah oui, là, je parle de la Campa, puisqu'on est là-dessus. Ouais, moi, je parle de la Campa. Ouais. Donc, dans mes souvenirs, je veux dire, ce qui m'a marqué, je veux dire oui, parce que j'étais très jeune et puis je trouvais ça choquant, c'est d'avoir vu les enfants jouer avec les rats. Avec des rats? Oui. D'accord. Qui circulait sur le terrain, puisque il n'y avait pas de toilettes, donc on allait, il y avait un... Maintenant, ça a été recouvert. Mais avant, il y avait un ruisseau qui passait, et donc c'était là que tout le monde déversait ses toilettes. Ouais. On avait des systèmes de seaux, et puis on allait verser ça... Vous aussi? Oui, bien sûr. Sauf que nous, dans la caravane, il y avait un WC chimique, donc c'était transformé, mais il fallait bien aller le vider aussi. Donc, on allait vider donc les toilettes. Donc bon, on a et fait donc, ça. Donc il y avait des rats qui montaient sur le... Il y avait des espèces de... On va dire un peu comme des monticules là, en bordure de ce truc-là. J'en sais rien, mais que les monticules avaient été faits pour que le bidonville ne s'étende pas extraordinairement, quoi. Autrement, comme autre souvenir, j'ai le souvenir d'un gars... Donc je me suis toujours demandé si c'est pas lui qui a joué dans le film de Tony Gatliff, Chavolo, qui venait nous jouer de la guitare sur les escaliers de la caravane. Il n'avait jamais appris une note, il jouait comme un dieu. Donc de temps en temps, on avait des petites sérénades rien que pour nous. C'est sympa. Ouais, il y avait aussi certaines fois où, parce qu'il y avait quand même de la violence entre les gens, hein. Il y avait des gens bricolaient. Il y avait les Yougoslaves qui faisaient des fêtes à tout casser, donc ils buvaient, puis après. Et eux, ils faisaient griller le cochon de lait, là. Entre nos caravanes, et une nuit, les copines n'ont pas dormi, elles étaient furibardes après moi. Le matin, je dis, mais qu'est-ce que vous avez ? Ouais, on n'a pas dormi de la nuit, ils ont fait du feu, et toi, tu dormais, j'ai rien, non. Mais moi, j'avais pas peur à cette époque-là, donc. On a été cambriolés quand même dans les caravanes et quand même on n'avait pourtant rien hein, parce qu'on n'arrivait même pas à finir le mois. On avait tellement, on gagnait très peu d'argent comme volontaire, donc on mangeait toujours pareil, tous les soirs pareil parce qu'on n'avait pas de sous. Et donc c'est arrivé quand même qu'on se fasse cambrioler par les petits azizas des caravanes qui étaient sur le toit. Donc ça, c'était des enfants et on avait su qui c'est. Et par un retour de l'histoire, quelques années plus tard, j'étais institutrice à Noisy-le-Grand, directeur d'école, me dit, tu vas avoir une nouvelle élève. Il me dit, Sancho, Angélique. Oh ! J'ai dit, quoi ? C'était la fille du gars qui venait piquer dans nos caravanes. D'accord, parce que vous l'aviez identifié, le gars qui piquait ? Oui, on savait quand même, mais bon, qu'est-ce qu'on allait faire ? Ouais. C'était... Et il piquait quoi ? Oh, des conneries, hein, je veux dire. Si, un peu d'argent, parce qu'on n'en avait pas beaucoup, mais bon, un peu. Puis vraiment des bricoles, mais c'était... Ouais. Bon, mais ça, c'était pas le quotidien, ça, c'était l'exception. Mais parce que la personne qui était assistante sociale, donc qui avait à l'époque une quarantaine d'années, c'était quelqu'un de vraiment costaud. Je me souviens d'une fois où il y a eu... vraiment, il y a eu un gros incident et elle s'est interposée. Et il y avait donc le grand-père de cette petite fille, donc le père de celui qui nous volait, qui était un type costaud, je le vois encore. Et il buvait beaucoup. Quand il avait bu, il était violent. Et là, il était en train de menacer tout le monde avec une barre de fer. Il voulait tuer tout le monde, quoi, comme font souvent les mecs qui ont picolé. Et elle s'est approchée. Et lui, il faut l'imaginer quand même costaud. Mais voyons, monsieur Sancho, vous n'y pensez pas. Il a posé sa barre de fer, direct, rien qu'avec son calme et le respect qu'il devait avoir pour elle, parce que elle faisait beaucoup de... Bon, je veux dire, elle avait une attitude positive pour eux, elle faisait des démarches, elle... Et je me souviens aussi, je veux dire, c'est tout décousu, mais vous en ferez ce que vous pouvez. Bien sûr, non, mais... Une autre fois, parce que la police venait quand même de temps en temps nous demander si on connaissait telle personne. Donc nous, par principe, on ne connaissait jamais. Et puis, un jour où j'étais dans sa caravane, elle avait un monsieur qui était là, qui était venu pour quelque chose, quoi, une aide. La police débarque et lui dit, Madame Franceschi, voilà, on cherche monsieur un tel. C'était le monsieur qui était assis là. Moi, je dis rien. Elle dit, oh, vous savez, avec tous les mouvements sur le terrain, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui partaient, c'était la fin du bidon. Elle dit, vous savez, nous ne connaissons pas tout le monde. Je suis restée, mais scotchée de son sang-froid, le mec, il était assis. Et je me dis, si elle dit que c'est lui, elle est foutue, et nous avec, hein, parce que... Et le mec, il l'a entendu ? Bah oui, il était assis, et puis la police était dans la caravane. Donc, après, le soir, je dis, mais comment tu fais pour mentir pareillement ? Elle me répond, j'ai un avantage sur vous, je ne peux pas rougir. Comme elle était haïtienne, elle était très noire. Ah, d'accord. Moi, j'étais estomaquée de... Mais je pense que c'était quand même son âge, parce que nous, on était... Bon, on elle était avait quel âge, plus... Elle avait une quarantaine d'années, d'accord, je dirais, à l'époque. Mais nous, on était toutes beaucoup plus jeunes qu'elle. Mais elle était... Et puis, elle était quand même du côté des gens, parce que... Alors, avant de savoir pourquoi on cherchait, parce qu'une autre fois, on était en train de manger un caravane, pareil, la police débarque, on cherche, c'est une famille espagnole. Elle dit, non, je connais pas. C'était elle qu'on l'a laissé répondre. Non, je ne connais pas. Et puis, la police qui dit, oui, on doit leur annoncer un décès qui a eu lieu dans la famille. Donc là, je ne sais pas comment elle a manœuvré, mais finalement, elle s'est rattrapée pour quand même que la famille soit prévenue. de ça, mais je veux dire, on avait une position où il fallait absolument qu'on soit clair, parce que c'était pas quand même des anges avec qui on vivait. Mm-hmm. Si les gens nous soupçonnaient de les dénoncer, parce que forcément, bon, je saurais pas en citer, mais c'était obligé, il y avait des trafics. Hein. C'est comme dans les cités maintenant, bon. Mais si on est travailleur social dans une cité, même si on n'est pas naïf, on n'est pas supposé aller expliquer à la police. Mm-hmm. Oui, c'est pas votre rôle, en fait. Voilà. C'est pas... Donc, bon, on peut dire ce qu'on en pense. Quand on est avec les gens, on peut dire je suis pas d'accord. Moi, je me souviens quand je travaillais au Pavé Neuf à Noisy-le-Grand, mais ça, c'est longtemps après, c'est une parenthèse. La maîtresse de CP avait comme mot dans la lecture une cave. Et puis elle dit, vous savez ce que c'est une cave? Les enfants disent non. Alors bon, tout d'un coup, il y a un enfant qui dit, ah ouais, c'est là où il y a plein de magnétoscopes et de télévision. On a chacun les références qu'on peut. Mmh. Ouais. Donc on savait tout de suite à quoi ça servait chez eux. Mais bon, point, je veux dire, après. Et pour revenir à cette petite fille que vous aviez donc dans votre classe, là, donc vous l'avez tout de suite identifiée par son nom. Ah oui, oui, c'était obligé. Et après, j'ai parlé. Je n'ai jamais vu le papa. Jamais. Ouais. Elle, je l'ai vue encore le samedi dernier avec... Et la mère était... Le père était donc gitan, la mère était gadjé. Hein, c'était... Ouais. Donc, ils sont venus, dans le cadre du relogement. Je ne sais pas où est parti le reste de la famille. Mais donc, eux sont venus, au bout de quelques années, arriver à Noisy-le-Grand, dans un pavillon qui, normalement, aurait dû être détruit. Donc, qui était loué en attendant à des familles en difficulté. Mmh. Et parce que le reste de la famille, ils ne voulaient pas tellement être sédentarisés, mais... Eux, oui, puisque elle n'était pas gitane d'origine. Et donc là, je les revois assez régulièrement. Je les ai rencontrés qui faisaient des cours samedi. La fille qui a été mon élève, la mère, les enfants de la fille, etc. Parce qu'on a noué des bons contacts. Mm-hmm. Vous pensez que je pourrais éventuellement les contacter, ces gens-là, ou pas? Parce que pour le coup, ils ont habité. Ah bah le père, mais oui. Comme je l'ai jamais vu, je pourrais éventuellement poser la question. Enfin, bon, oui. Là, normalement, c'est la fin de l'année, oui. Mais voilà, si l'année prochaine, on continue notre... ce jour, contacterait. Mais pas avant le mois de novembre, parce que je ne serai pas là. Je vais partir septembre-octobre. D'accord. Donc, ok. Voilà. Bon, sinon, d'ici la fin du mois de juin, je peux éventuellement aller poser la question. Mais le père, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, parce que je me rappelle de lui quand il était gamin. Mais après... Ah oui, ça me fait penser, en pensant aux enfants. Mm-hmm. J'ai un autre souvenir là qui m'avait énormément choquée. Oui. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai vu des enfants se droguer à l'essence. Ah. Ils sniffaient les bidons d'essence, comme c'était beaucoup des ferrailleurs. Il y avait des vieilles bagnoles, il y avait des bidons d'huile, des bidons avec de l'essence dedans. Et les gamins étaient là, mais étaient tout petits. Hein. Et ils respiraient ces vapeurs et ils disaient, laisse-nous, ça fait du bien. Moi, je connaissais rien de tout ça. Hein. C'est un truc à se cramer le cerveau, ça, non ? Moi, je connaissais rien à l'époque de tout ça. Ils avaient quel âge, ces gamins ? Oh, tout petits, enfin, à moins de 10 ans. Quelle horreur. Ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez? Vous interveniez rien. Ou mais rien, je veux dire, on est comme sidérés devant des choses pareilles. En plus, je veux dire, on n'a pas beaucoup de poids, même si on habite. Je veux dire, on peut juste... on est avec, mais dans quelle mesure on peut essayer de changer quelque chose? C'est pas facile du tout. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai constaté dans le travail que j'ai fait, puisque j'ai continué toujours à travailler, pas en bidonville, mais avec des enfants en difficulté, que tout le travail qu'on fait, puisque je suis restée tout le temps dans le même coin et j'ai connu les enfants, le travail qu'on fait avec des enfants, on voit un résultat sur leurs enfants, mm-hmm. pas sur eux. Enfin, pas évident du tout. Le changement, il est sur la génération d'après. Et ça, j'ai eu quand même à plusieurs reprises l'occasion de connaître des enfants d'enfants, puisque ça fait 40 ans que j'étais à Noisy-le-Grand, donc ils ont eu le temps de... Bon, j'ai pas retrouvé tout le monde, hein, évidemment, mm-hmm. mais j'ai l'occasion, parfois, de... Et c'est là que c'est seulement là qu'on voit un résultat. Enfin, un résultat à nos yeux. Ah oui, bien sûr. Oui. Je veux dire, par exemple, bon, pour ce qui était mon domaine, c'était un changement vis-à-vis de l'école. Parce qu'il y avait toujours vraiment... enfin, c'est pas que tout soit résolu, mais il y a quand même une attitude de, un peu moins d'incompréhension entre l'école et les familles. Mmh. Bon, puis pour les gens du voyage, ça, bon, pour avoir l'occasion d'en connaître encore maintenant, c'est toujours quand même un problème que l'école, parce qu'ils savent qu'il faut, mais ils franchissent pas l'étape de l'école primaire la plupart du temps. Au collège, ils n'y vont pas. En tout cas, les filles, sûrement jamais. D'accord. Partir en classe transplantée, jamais. Donc, il quitte pas sa famille. Et là, à l'époque, c'était parce que comme il y avait ces relogements qui étaient toujours en cours, les gens avaient peur d'être partis quand l'enfant allait revenir et d'être pas retrouver leur enfant. Puis, il y avait aussi la peur de déplacement d'enfants, quand même, qui était. Et il y en avait ou pas? Il pouvait y en avoir, mais oui, c'était assez bizarre. C'était. Qu'est-ce que vous avez des souvenirs de placement? Non, pas à la campagne. J'en ai un souvenir très cuisant à Noisy, mais pas à la campagne. Mais à la campagne, pour cause, parce que je ne travaillais pas, moi, j'étais habitante. Oui, donc, vous auriez pu voir. Oui, mais dans la journée, j'étais pas là. Je travaillais à la Cerisaie, à Stein. Moi, j'avais un autre terrain de travail. D'accord. Et puis, je veux dire. C'était quand même un peu difficile, hein, je veux dire, à vivre et tout. Et je pense que quand c'est comme ça, on coupe dans sa tête. Il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Sinon, on ne peut pas supporter non plus. Ouais. Je veux dire, c'est difficile. Cette réalité-là, hein, je veux dire, quoi. Bah oui. Je me souviens d'une fois, je m'étais engueulée avec une dame dans une réunion qui dit « Ah, oh, mais alors ?» ça ne vous empêche pas de dormir, tous ces gens dans la misère. J'ai dit, vous, madame, à 300 km, c'est bon, là, vous dormez? Ben, moi aussi. Mm-hmm. Je veux dire, c'est une réaction de défense, parce que je veux dire, on ne peut pas être là et passer sa vie à pas dormir. Mm-hmm. Sinon, on ne peut plus rien faire. Il faut bien arriver, donc, je veux dire, à accepter une partie de... Moi, je veux dire, ce qui m'a le souvenir aussi qui m'a vraiment marqué, c'est la résorption du bidonville. Donc, oui. C'est cette histoire de bon, des réunions où les gens, quand même, où les gens disaient, mais alors là, on leur disait, vous êtes voyageurs, donc à ceux qui avaient, ils avaient un carnet de voyageurs qu'ils devaient faire tamponner, mais ils pouvaient pas voyager puisque à la campa, c'était le sous-prolétariat des gens du voyage qui étaient là. C'est-à-dire, c'était des gens assez pauvres. Je dirais, mis à part, c'est une famille, si vous avez vu l'exposition, en tout cas, à Champ, là, c'est la première photo que j'ai vue de ce beau monsieur qui était montreur d'ours. Oui. Ça, c'était une figure, cet homme. Donc, c'était un gitan? Oui. C'était monsieur Jovanovitch, qui était un type... mais extraordinaire, un patriarche, et qui était vraiment quelqu'un de reconnu, de respecté et de respectable. Et il vivait tout seul ou il avait une non, famille? Non, il était à la tête d'une famille. Il y a une photo de lui tout seul, et il y a une photo de sa femme et d'une de ses filles, qui est très très belle dans cette exposition aussi. Mais ça m'a touchée. Quand je suis arrivée, c'est la première photo que j'ai vue. Et là, vraiment, Et il était montreur d'ours, mais pas dans le bidonville, quand même. Il nous faisait des fois des démonstrations. Mais il venait d'où, l'ours? Ils avaient des ours qu'ils achetaient. D'accord. C'était leur métier, ils étaient des gens de cirque. Ils avaient lama, chèvre, ours, tout ça sur le terrain. Donc, quand on parlait de relogement, ils disaient, je veux bien aller en HLM. Ils parlaient toujours assez tranquillement. Mais avec le lama et les chèvres, c'est pas pratique. Et on m'a dit qu'ils ont toute la famille sur un terrain, je ne sais pas si c'est pas vers Bonneuil ou quelque chose comme ça. Mais là, ça, lui, c'était vraiment une figure, un chef de clan, ce type. Mais dans le bon sens du terme, je veux dire. Et j'ai vu une fois sa photo dans un bouquin sur Paris où on le voyait en train de faire travailler son ours à Paris. C'était quelqu'un de connu. Et il y avait eu une fois un drame parce qu'ils avaient été, pas lui, mais quelqu'un de sa famille était allé acheter un ours et un enfant s'était fait complètement déchiqueter le crâne par l'ours qu'ils avaient acheté. Et bon, il a été soigné quand même. Et lui, il a dit, moi, en voyant cet ours, je l'aurais jamais acheté. Il n'est pas bon. Oui, c'était un connaisseur. Oui, c'était vraiment son métier. C'était son métier. Il était montreur. Il venait d'où de... Je ne saurais pas dire. Mais ils parlaient français alors? Oui. Mais je ne sais pas de quelle origine ils étaient, eux. De l'Europe de l'Est, oui, probablement, de l'Est, mais... D'où, ça oui. Mais par d'autres témoignages, vous aurez sûrement des recoupements possibles, je pense. Alors, justement, toutes ces personnes parlaient pas vraiment bien le français. Comment vous arriviez à vous faire comprendre quand vous communiquiez avec eux? Comment ça se passait? Comme on fait avec des gens qui parlent pas français, j'en sais rien. Par quelqu'un qui traduisait, sûrement, je m'en rappelle pas vraiment, mais il y a toujours des gens qui peuvent servir d'interprète dans ces situations. Ouais. Mais vous, par exemple, dans votre vie quotidienne à la campa, je sais pas, vous alliez chercher de l'eau, comment aller chez l'épicier. Aller chez l'épicier. Du terrain. Voilà, comment ça se passait? Comment vous exprimiez par les gestes? Non, en français. Il parlait français. Oui, voilà. Alors, c'est drôle comment les souvenirs sont sélectifs, parce que l'épicier, c'était un maghrébin, je pense. Voilà. Mais c'était pas beaucoup moi qui y allais. Et qu'est-ce qu'il vendait, cet épicier? À manger. Mais bon, je sais pas trop, parce que nous, on envoyait surtout notre copine dont il était amoureux, parce que quand on n'avait pas de sous, il faisait crédit. Si c'était elle qui y allait. Donc, c'était une stratégie comme une autre. Donc c'était un habitant aussi du bidonville qui avait son épicier. qui avait une je sais même pas si c'était dans un camion ou une baraque, j'en sais rien, parce que c'était très mélangé ce terrain entre les vieilles bagnoles dans lesquelles les gens vivaient et puis les cabanes. Moi j'ai rencontré l'année dernière un truc à l'inauguration de la maison des solidarités à Champs, un habitant du terrain qui était il était en 67 et il me dit qu'il avait 16 ans et vivait tout seul dans une camionnette. Mais après, on a évoqué des gens, on connaissait un peu les familles. Donc, ça se passait. Sauf que moi, j'avais quand même le sentiment que nous, on était sacrément bourgeoises par rapport aux gens qui habitaient sur le terrain. Parce que comme la caravane était surélevée, déjà, on avait 2-3 escaliers. Donc nous, c'était toujours propre chez nous. Par rapport aux gens qui vivaient à même le sol, quoi. Oui. Dans la boue, quoi. Parce que ça, c'est quand même une constante. Oui, on raconte beaucoup ça, les pieds dans la boue, les chaussures frottées. Et quand j'ai revu des photos et tout, quand je revois. L'autre jour, je regardais un petit film qui s'appelle Rue des Fleurs, qui se situe à Noisy. Et c'est encore plus de boue que ce dont j'ai le souvenir. Je vous montre quelques photos qu'on a pu récupérer à l'époque c'était une jeune fille qui habitait pas loin avec ses parents à la campa curieuse et qui avait son petit appareil photo et qui avait fait des photos de la campa plus ou moins attachée à une famille et voilà, c'était une gamine assez aventurière, et grâce à elle, on a pu récupérer des... Oui, alors les gens habitaient là-dedans. Oui, il y avait une très belle photo aussi, c'était de la fontaine sous la neige dans l'exposition, si je me rappelle. C'était quand même un amoncellement assez étonnant. C'est-à-dire, c'était un environnement pour des mômes qui étaient... Ouais. Ah oui. Ça vous parle quand vous voyez ces photos? Oui, avec la cité Floréal derrière. Waouh. Ouais, les culs à l'air. Beaucoup d'enfants qui avaient les fesses. Je saurais pas dire là. Mais bon, l'allure qu'ils ont, là, mal coiffée et tout, c'est ça. Quoi. Mais en même temps, des très très beaux sourires. Il y a une très grande photo qu'a Tédé a grandi d'une petite fille là, qui a servi d'affiche il y a longtemps. Et vraiment, c'est bête qu'il m'ait pas fait des roms de photos là, où j'avais pris des petites filles aussi au jardin d'enfants ou des fêtes où elles étaient avec leurs belles robes. Mais des beaux visages, je veux dire, des... Je sais pas, ça vivait, quoi. C'était pas que du malheur. Et l'autre jour, j'ai eu cette femme qui a fait le site sur Noisy-le-Grand. Et elle décrit sa vie à Noisy-le-Grand. Elle dit, c'était que du bonheur. Elle me dit ces termes-là. Et moi, j'ai connu sa famille. Je veux dire, c'était pas l'image que ça pouvait, qu'on pouvait imaginer elle qu'elle gardait. Elle était de la deuxième génération, elle? Non. Elle habitait, à Noisy-le-Grand, à part. Ouais. Oh, ça, c'était une grand-mère gitane, ça. Sûrement. Oui, ça. Ouais. Et ben ça, c'est des mômes de genre de gamins qui allaient au jardin d'enfants. Mm-hmm. Et c'était un joli petit chalet qui était là. Et les enfants adoraient y aller. Oui. Ça marchait bien. Oui. La fille, enfin, elles étaient deux, elles partaient. Il y a des photos où elles sont prises en photo. Elles partaient de cabane en cabane ou de camionnette et de camion. Et puis elles revenaient avec les enfants qui se donnaient la main et hop, ils allaient à l'école. Mais on voit pas du... Oui, il n'y a pas les caravanes dont je vous parle. Mais nous, on avait vraiment des caravanes qui étaient grandes. Donc de la caravane, vous aviez vu sur à la fois la communauté espagnole, la communauté gitane et la communauté yougoslave. Oui. Hein, oui. C'était eux qui étaient le plus près de nos caravanes de... yougoslaves. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs des différences entre ces trois communautés dans le logement, dans leur manière de vivre, parce que c'est des cultures aussi. Je dirais que les Espagnols étaient peut-être les plus construits. C'était des familles, je dirais, normales, qui, enfin, dans le souvenir que j'en ai, qui avaient des problèmes de logement. D'accord. C'était les hommes partaient au travail. Les gitans, comme je l'ai dit, enfin, ils s'appelaient pas comme ça. C'était des familles plus pauvres, comme je l'ai déjà dit. Les femmes partaient mendier. Et moi, quand je vois des gens dans le métro qui mendient, jamais je ne donne un sou. Si je leur en veux, elles emmenaient les enfants, elles leur filaient du sirop pour qu'ils roupillent dans leurs bras, même à 2-3 ans, hein, grand. Mm-hmm. Et elles partaient mendier. Ça, il y avait déjà ça à cette époque-là. D'accord. Donc là... Et les Yougoslaves ? Les Yougoslaves, je dirais, mais vraiment là, c'est à prendre que c'était surtout des hommes qui habitaient là. Je vois pas tellement de familles. D'accord. Mais c'est pas forcément juste, hein. C'est mon souvenir. Et il est très... Que les familles plutôt espagnoles, je vois plutôt des familles, quoi. D'accord. Et au niveau de l'habitat, est-ce qu'ils étaient plus installés, moins installés ? Plus construit, c'est difficile à dire. Vous avez vu des photos quand même de ce à quoi ça ressemble, un bidonville. Non, mais je veux dire, c'est après, quand même, vous savez, il y a des matières très différentes. C'était un bric-à-brac, hein, quand même. Sauf que peut-être pour certaines familles, c'était plus propre. D'accord. Mais je peux pas dire, je crois bien que je suis jamais rentrée chez quelqu'un, par exemple. Moi, parce que d'abord, c'était pas trop notre politique, et en plus, comme moi je ne travaillais pas avec les gens mais que j'habitais, je crois pas que j'ai été amenée à rentrer dans des baraques. Donc, j'ai le souvenir d'avoir circulé là-dedans, mais pas vraiment d'être rentrée. Au niveau de la famille, est-ce que vous avez eu des vécus, des accouchements, des choses comme ça Moi, j'en ai pas de souvenir. D'accord. Non. D'accord. Donc pas de. Donc là, ce serait quelqu'un avec qui vous aviez travaillé, qui était infirmière ou... Oui, mais elle est à Gardaïa et j'ai plus de contact. Je l'ai revue à l'occasion, mais là, depuis, elle vit à Gardaïa. Elle s'est mariée avec un homme de là-bas. Donc elle, pour avoir son témoignage, celle avec qui je peux communiquer facilement, c'est celle qui était jardinière d'enfants, 68-69. Elle est suisse. Elle est sur Paris ou pas ? Non, elle habite à côté de Genève. D'accord. Mais bon, elle vient à Paris de temps en temps. D'accord. Mais éventuellement, ça, vous pouvez peut-être l'appeler au téléphone si ça vous tente de parler. On peut faire aussi un entretien par téléphone, mais bon, on verra. Voilà, oui. D'accord. Les rapports intergénérationnels dans le bidonville, entre les enfants, les vieilles personnes, vous avez un souvenir de voir des différences marquées ? Je pense quand même que les vieux avaient un poids. Oui. Oui, je pense que... Il y avait dans les familles gitanes, là, enfin, il y avait les vieux, la génération des parents, les enfants, et tout le monde vivait. C'était intergénérationnel. Et je pense que les vieux avaient quand même un poids sur ce qui se passait dans cette communauté. Vous avez des souvenirs, des figures de personnes âgées qui étaient dans le bidonville? Ben là, ce monsieur Jovanovic, là, lui, ouais. Il était déjà plutôt jeune. Mm-hmm. Autrement, il y avait cette vieille dame, elle, qui vivait, je ne sais plus son nom, mais je vois encore sa tête, qui vivait dans une espèce de camionnette, là, un Citroën, là, vraiment, c'était minuscule. Celle qui nous donnait les médailles pour nous protéger. Ouais. Mais elle, je ne sais pas avec qui elle vivait finalement. Parce et monsieur que... Ivanovic, là, il est devenu quoi, vous savez, après? Ben c'est, je vous dis, je pense que c'est à l'exposition que je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit ça, que la famille aurait été relogée, lui il est sûrement mort vu l'âge qu'il avait déjà, mais aurait été relogée sur Bonneuil. D'accord. Sur un terrain. Parce que eux, ce n'était pas possible de les mettre vraiment dans un appart avec leur façon de vivre. Et c'était leur gagne-pain aussi, je veux dire, donc ouais. On ne pouvait pas supprimer tous les animaux comme ça. Est-ce que les communautés se mélangeaient un peu ou pas? Moi, je dirais que non, d'accord. D'après le souvenir que j'en ai, mais ce n'est pas forcément fiable. Vous avez des souvenirs de solidarité qui pouvaient se jouer même intercommunautaire est-ce que les gens s'entraidaient? Est-ce qu'il y avait une sorte de... Oui, j'ai pas de souvenir précis, mais oui, ça c'est une caractéristique. Moi, c'est le souvenir que j'ai de Noisy-le-Grand, par exemple. D'accord. Je pense qu'on va quand même parler aussi de Noisy-le-Grand. Je sais pas, comme vous voulez. Oui, je pense que c'est important parce que... Ah bah alors ça, j'ai de la documentation. Par contre. Alors Noisy-le-Grand. En 69, j'ai repris mon métier d'institutrice. Ouais. Parce que là, j'étais en congé de l'éducation nationale quand j'étais à la CAMPA. Mais après, j'ai repris, j'ai demandé mon intégration dans le 93. Et là, j'étais institutrice pour ATD Carmonde à Noisy-le-Grand. J'avais une classe une section de grand de maternelle. Mais dans les locaux d'ATD qui sont pas loin d'ici, quoi. Donc là, c'était encore... C'est pareil. Non, j'aurais voulu raconter avant qu'on passe à Noisy quand même la résorption du bidonville parce que là, franchement, c'est quelque chose qui m'avait tellement choqué. Ouais. Ces bulldozers qui venaient casser les. C'était avant la résorption pour que les gens n'accueillent pas. Oui, vous demandiez un exemple de solidarité. Oui, il y en avait forcément puisque les familles accueillaient d'autres familles dans leur. Par exemple, elles réussissaient à se construire 3 pièces. Dans la cabane qu'elles avaient. Donc une pièce pouvait servir à héberger une autre famille ou une ou deux personnes. Donc les gens forcément s'entraidaient puisqu'il faut se replacer dans le contexte. C'était une période où on ne trouvait pas d'appartement. Donc les gens qui migraient, ils venaient loger chez ceux qui avaient déjà un petit bout de... Même si c'était le même phénomène à Nanterre, c'était le même phénomène aux Framoisins, c'était... Donc oui, il y avait cette solidarité-là de l'hébergement. Après, que ce soit gratuit, c'est pas sûr. Hein. Parce que... Peut-être qu'ils faisaient payer un petit loyer. Même probablement. Mais bon, comme dirait l'autre, ça ne nous regarde pas. Ouais. Mais alors donc, comme il y avait cette période où on avait décidé que ces bidonvilles devaient disparaître, donc ils avaient décidé de commencer par empêcher l'installation de ces gens en plus, parce que les gens étaient recensés sur le terrain, mais il y avait, on dirait, des clandestins aujourd'hui. Donc pour empêcher ça, quand ils s'apercevaient que par exemple il y avait 3 pièces, ils arrivaient avec un bulldozer et ils cassaient une pièce. Donc nous, les volontaires, là, on se mettait, et les gens du bidonville, devant le bulldozer. D'accord. Pour qu'ils pelletent pas la... Mais bon, on n'a jamais gagné, hein, quand même. Il y avait des discussions, il y avait tout ça, mais c'était pas nous qui avons... Mais ils étaient obligés quand même de tenir compte de l'interlocuteur pour le relogement des familles, pas faire n'importe quoi. Pas seulement dire aux voyageurs, vous êtes voyageurs, voyagez. Ce qui était impossible, vu l'état de leur... Et vous saviez où les gens partaient ou pas? Oui. D'accord. Oui, oui. Bon, moi, pas en détail, mais le mouvement était complètement au courant parce qu'il y avait toujours des réunions à tous les niveaux de l'administration et ATD était un partenaire reconnu. Donc, on travaillait, enfin, les choses se faisaient en concertation avec ATD qui représentait les familles. Et peut-être des représentants des familles, ça, parce que les communautés, quand même, il y avait dedans des gens qui étaient capables de s'exprimer, de dire ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils ne voulaient pas. Donc ça, cette période de résorption, là, c'était vraiment, j'ai trouvé ça, mais horrible, quoi. parce qu'on commençait à casser quand les gens étaient encore là. Pour. Vous avez des souvenirs vraiment frais. Oui, ça devait être mis devant le bulldozer, oui. Ça, je peux vous dire que vous n'oubliez jamais ça. Jamais. Et la façon dont ils se pointaient, là, ces flics, comment ils traitaient les gens, mais c'était horrible, quoi. Vous avez des souvenirs de la réaction des habitants ? Comment ils se comportaient dans ces moments-là ? Ils essayaient de se mettre aussi avec nous, mais eux, ils étaient en situation moins de force que nous, parce que nous, finalement, si on enlevait nos caravanes, on savait où aller. C'était notre travail, c'était pas notre terrain de vie. Eux, c'était leur seul endroit de vie, je veux dire. Sûr. Et il y a eu des moments où les maisons étaient rasées. Enfin, vous avez vu des souvenirs vraiment. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu après ? Comment vous avez pris en charge les... Mais non, mais là, c'était la période où ils rasaient pas tout. Donc les gens avaient encore. Ils rasaient une pièce. C'était encore plus pervers. Je vous dis, pour qu'ils puissent pas héberger quelqu'un d'autre. Parce que s'il y avait trois pièces, c'était trop de place. Mettons, il y avait quatre enfants et les parents, trois pièces, c'était trop. Donc, ces gens, par exemple, s'ils avaient, je sais pas, on va dire, un exemple complètement bidon, un cousin avait besoin, il filait une pièce et il serrait un peu plus. Donc, pour empêcher ça, parce qu'ils le savaient qu'il y avait des clandestins sur le terrain. Donc, ils cassaient une pièce pour empêcher que les gens n'en accueillent d'autres. Puisque l'objectif était de résorber le terrain. S'en foutait. C'est comme maintenant les gens qui sont entassés dans les hôtels, les familles qui vivent dans une pièce et qui vont héberger. À Noisy-le-Grand, des gens hébergés, il y en a en pagaille dans les apparts. Ça se voit moins parce que les apparts sont un peu plus corrects. Mais je veux dire, des gens... dans les écoles, on en a. Il y a 10 ans que je ne travaille plus, mais je veux dire, je suis encore en contact. Il y en a plein. Ça vous parle ? Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on peut passer à Noisy-le-Grand. Non, mais je voudrais revenir sur cette histoire de départ, là, de destruction du bidonville. Vous êtes parti à quel moment ? Il n'y avait plus rien ? Tout était rasé ? Non, il y avait encore moi je suis partie en 69, c'était pas fini. Je pense que la résorption complète, c'était 70. D'accord. Non, mais la politique de TD, elle était comme ça. Les volontaires, on ne restait pas forcément longtemps dans un endroit. Et en plus, comme il y avait besoin de quelqu'un comme enseignante à Noisy et que moi j'avais le diplôme d'éducation nationale, je suis venue travailler à Noisy-le-Grand. D'accord. Donc Noisy-le-Grand, donc c'était des bidonvilles qui étaient situés où ? Ben, en vous ramenant au métro, j'irai vous montrer où c'était parce que ça existe encore l'endroit là. Il y a encore des... Il y a encore une chapelle qui est en forme d'igloo, qui a été construite de l'époque du... Et il y a la cité promotionnelle, et il y a les locaux d'ATD, Noisy-le-Grand, là où le mouvement a été créé par le père Joseph. D'accord. Et c'était un bidonville qui était aussi important que celui de la Campa, ou pas ? Oui, c'était grand. C'était ces bidonvilles en... Les gens étaient... C'est l'abbé Pierre qui avait installé des tentes à l'hiver 54, et qui après, il y a eu des igloos construits. Ça vous parle, un igloo ou pas ? J'ai des images. Là, je vais chercher les... Vous voulez une pause ? Vous voulez un café ? Oh non, ça va, parce qu'en fait, comme on n'a pas non plus super du temps... Voilà. Donc ça, c'était un bouquin qui a été écrit par la fille qui était psychologue dans le jardin d'enfants et qui... C'est sur les enfants de Noisy-le-Grand. Mais je regarde, parce que là-dedans, je pense qu'il y a des... Qu'il y a peut-être des photos de... C'est sympa ces livres. C'était les revues de. C'était, tout ça a été édité par le mouvement. Mais c'est vieux, hein, y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Ça, on pourrait le récupérer aussi, ce type de livre. C'est pas réédité, j'imagine. Je sais pas. Faut que je me renseigne. Je pense pas. Mais je pense que peut-être le mouvement va encore. Hein, ils en ont peut-être encore. Ah, bah c'est pas mal. Je croyais qu'il y avait des photos là-dedans. J'ai rêvé ou quoi ? Je vais donner des références. Les enfants des exclus. Oui. Par exemple, la fille qui a écrit ça, c'est la fille du peintre Bazaine. Et elle, j'ai ses coordonnées. Marie-Catherine Ribaud, oui. Elle a travaillé à Noisy, pas à la campagne. D'accord. À la campagne, il y avait une autre qui a édité tout ça. D'accord. Bon, bah, je suis désolée, je croyais que j'avais des photos du igloo. Donc, c'était des espèces de garages à avion, on va résumer ça comme ça. Mm-hmm. Ça, c'est la revue qu'ils éditaient. Maintenant, ils éditent autre chose, mais. Des lectures, vous en avez en masse de chez eux. Ouais. Mais il y a un site, hein, vous allez sur Internet, vous allez trouver tout ça. Hein. D'accord. Oui, donc il y avait ces espèces de trucs là, avec un toit en tôle dessus. Et là, il y avait parfois une famille, mais parfois deux qui habitaient le même igloo. C'était des fois partagé en deux. Et il y en avait beaucoup, je sais pas combien il y avait de familles là. Mais c'était grand hein, comme camp. Pareil, avec quatre fontaines pour tout le monde. La boue qu'on retrouve. C'est là que le père Joseph est venu après que l'abbé Pierre ait installé les gens et qu'il a viré tout ce qui était soupe populaire et tout ça en disant il faut donner de la culture aux gens et pas à manger, quoi. Enfin, ouais. On résume. Et donc il a mis en place les bases de son mouvement qui existe toujours. Et donc là il y avait eu, parce que lui c'était. Il avait l'idée qu'il fallait que les gens soient instruits. Et comme le bidonville était situé, la rue n'était pas goudronnée pour arriver au bidonville. Et là, les enfants allaient à l'école dans la même rue, mais assez loin, donc n'y allaient pas beaucoup. Et moi, j'étais instite après dans cette école, et j'ai entendu comment on en parlait des enfants, je veux dire. Et donc... Et l'autre jour, j'ai retrouvé une amie qui a été à l'école élève avec les enfants du camp. Et moi, j'ai des bons souvenirs. Je dis oui, mais les instites pas. Hein. Donc, les enfants ils n'allaient pas beaucoup à l'école. Et le père Joseph, il a eu l'idée de faire un jardin d'enfants pour que les familles prennent l'habitude de les mettre à l'école petit et puissent après intégrer le primaire en ayant fait un peu de maternelle, quoi. Donc, il y avait une section de petits et moi, j'avais la section de grands. Enfin, des enfants de 5 ans. Alors, là, en vous écoutant, je parcours là, le livre. Oui. Et il parle de la campa. Ah, bah alors, je n'ai pas bien regardé. Bah, alors, allez-y. Voilà. Et donc, ils disent, alors, le mouvement s'implante à la campa sur une demande des habitants du bidonville, famille gitane et migrante pour la plupart. Mmh. Contrairement à celle du camp de Noisy. C'était des Français. Essentiellement françaises. Oh, ah oui, c'est des Français, Noisy. Ah ouais. Ah oui, c'est le sous-prolétariat français, Noisy-le-Grand. C'était pas des Et on étrangers. Est dans les années 70. Ah non, le camp, il a été créé en 54. Et c'était déjà Et des Français. Et résorbé en 70. C'était des Français. Ah oui, d'accord. Non, c'est complètement différent comme population. Mais ils venaient d'où, ces Français ? De l'hôtel, de la rue, d'habiter sous des cartons. Enfin, je veux dire, c'est une histoire d'aujourd'hui, quoi. Ah, voilà. C'est les gens qui vont d'hôtel en hôtel. Rien n'a changé. Moi, je dis, moi, je suis encore pas volontaire, je suis encore bénévole à TD. J'ai été 35 ans en l'oubliant et après, j'ai recommencé. Mais je dis, si on m'avait dit 40 ans après, je serais encore là, j'aurais jamais cru, quoi. J'allais dire, je serais reparti chez moi tout de suite en me disant, ça sert à rien. Et là, vous êtes encore bénévole. Oui. Et qu'est-ce que vous faites ? Je m'occupe, je fais un groupe de parole avec les enfants et je prends comme j'étais rééducatrice, je vois deux enfants qui ont des problèmes à l'école, mais pas pour faire du scolaire. Je fais des jeux avec eux, des choses comme ça. Je ne veux plus enseigner la lecture, j'en ai ras-le-bol. Tout ce qu'on me demande comme aide au devoir, c'est non. J'ai assez fait ça, j'étais un site de classe de perfectionnement. C'est bon. Donc c'est des enfants que vous coachez un peu sur... À qui j'essaye de redonner confiance dans leur capacité pour pouvoir... D'accord. C'est des enfants français ? Non, il y en a qui... Les parents sont guinéens et lui est né à Paris. Et l'autre, la mère est française, le père est marocain, mais il ne vit pas avec son père. D'accord. Mais il se sent très marocain. Oui. Non, à Noisy, c'était des populations françaises. plus maintenant dans la cité professionnelle, il y a beaucoup d'Africains qui sont arrivés à cause des je veux dire, des gens qui vivaient à l'hôtel et qui sont relogés là. Donc c'est un, enfin, il y a encore beaucoup de familles françaises, mais il y a plus de familles étrangères maintenant. D'accord. Et alors c'était comme vous aviez déjà connu la Campa, qu'est-ce qui vous semblait différent à Noisy? Est-ce que c'était les mêmes conditions de vie? Non, moi d'abord là j'habitais pas dans le bidonville, j'habitais dans une belle maison au bord de la Marne, qui était une maison qu'on avait donnée au mouvement, mais il n'y avait rien dedans, mais bon. Mais je vivais avec d'autres volontaires, mais le travail était difficile parce que... le mouvement était bon, existait déjà depuis un moment, mais c'était exigeant parce que volontaire d'abord on gagnait presque rien, et puis donc on vivait à plusieurs volontaires, là on payait pas de loyer, on faisait tous les matins, on commençait par une heure de réunion d'équipe, ensuite on faisait classe. Bon, il fallait quand même accessoirement préparer la classe, comme on faisait un goûter, il fallait faire les courses, il fallait tout ça. Et puis quand la femme de ménage, qui était une femme du camp, avait décidé qu'elle venait pas, ben on faisait le ménage. Donc et après, à TD Carmonde, le propre du volontaire, on écrit des rapports sur ce qu'on fait, sur ce qu'on voit. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez avoir de la documentation très précise si vous y avez accès, parce que on a écrit des rapports sur tout ce qu'on faisait, hein, les uns et les autres. Il y a des tonnes de documents. Ça, c'est pas ce qu'on appelle un rapport, ça c'est la revue du... Non, ça a été, c'est une synthèse, parce qu'on avait beaucoup de réunions de travail avec des gens, des universitaires et tout ça. C'était ça qui était intéressant aussi, là, c'est qu'on avait... vraiment bien de, on de avait... la manière dont s'est produit l'expulsion des gens à la campagne. Bon, bah alors voilà, vous voulez que je vous fasse des photocopies de quelque chose? Je suis embêtée parce que c'est plutôt à moi de le faire, mais... il faut que vous ayez confiance. Ah non, mais ça, c'est public. Hein. Je peux l'avoir aux archives. Ah oui, ça, c'est des revues qui sont achetables par tout le monde. Rien n'est confidentiel. Quand même, c'est un peu vieux. Non, mais je veux dire, c'était des choses qui étaient vendues. Voilà. C'est pas du tout. Il n'y a rien de secret là-dedans. On le trouvera sûr aux archives d'ATP. Ah oui. Il faut que vous alliez à Bailly en France, y passer un peu de temps et demander. Maintenant, je dis, ce qu'ils vous communiqueront, je ne sais pas du tout. Hein. Je pense que ça doit être... Je pense que c'est consultable. Ouais, c'est consultable. Oui, d'accord, donc un travail sur Noisy. Et alors, les familles françaises étaient plus... étaient mieux logées quand même, hein, ou pas? Non, je vous dis, c'était des igloos. Oh, c'est bête que j'ai pas de photos. C'était un camp. Mais est-ce qu'on était encore dans la boue? Pareil. Il y avait quatre fontaines pour toutes les familles. Il y avait, je sais pas, au moins 200 familles, peut-être... Et c'était la même boue, c'était incroyable. Hein. Et donc aujourd'hui, vous êtes toujours engagé. Et comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez toujours sur des Est-ce que vous avez l'occasion d'être sur le terrain aussi d'autres bidonvilles, puisque ça existe toujours? Non, là j'ai débranché. D'accord. Je me dis que c'est autour des autres de prendre la relève, c'est bon. Oui, j'en vois encore qui se reconstruisent et tout. J'en ai vu près du Stade de France, j'en ai vu au bord du périph à Paris. Ça revient. Mais nous, à la suite de ça, c'est pour ça que j'ai gardé pas mal de contacts avec. Des gens qui étaient des enfants à l'époque, qui sont des adultes. On avait, avec deux amis, on avait créé une maison d'enfants en Haute-Savoie pour prendre ses enfants en vacances. Et pendant 10 ans, tous les étés, on avait des enfants de ces familles qu'on connaissait toutes très bien, qui sont venus régulièrement en vacances à la montagne. Et avec certains, il y a encore des contacts aujourd'hui. Donc... Mais bon, je veux dire, quand on fait un choix de vie comme ça, je dis pas que j'ai passé toute ma vie là-dedans, puisque la preuve, j'arrive par les hasards de la vie à habiter une maison comme celle-là. Mais je veux dire, on reste quand même assez marqué par une façon de voir les choses, je crois. Ouais. Ça vous a en fait habité. Ah oui. Et puis ça me révolte toujours autant. Hein. D'accord. Je veux dire, c'est pour ça que j'accepte aussi de parler, parce que, et qu'on était allé à cette c'était un formation à l'école d'architecture, il y avait un étudiant de l'école d'architecture, j'étais outrée, moi. Ils avaient passé ce film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Étrange étranger, qui est extraordinaire, moi je ne l'avais jamais vu. Oui. C'est un film de 1970, où on voit déjà, et je ne pensais pas que c'était aussi ancien, 50 Africains qui habitent un pavillon de banlieue, qui sont exploités, enfin des gens qui habitent dans c'est des caves. De 70, c'est oui. Ça ok, je pourrais peut-être voir sur Internet. Oui, ça s'appelle Étrange étranger, et c'est un film... Sur quoi? Bah sur ça, sur les bidonvilles, l'arrivée, d'accord. On voit arriver des Espagnols, la gare d'Austerlitz. Et j'étais avec une amie qui a été migrante comme ça et qui me dit « Ouais, le taxi dit du mal des étrangers, mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il se faisait pas mal de fric sur notre dos. » Parce qu'elle, elle a vécu ça, le taxi lui a pris le seul fric qu'elle avait et elle s'est retrouvée. Et il est très bien fait ce film, je trouve. Mais ce qui est énervant, c'est de se dire qu'il est de 70 et qu'on est en 2009 et qu'on pourrait encore tourner la même chose. Mmh. Je sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me révolte quand même. Bien sûr. Je crois qu'à partir du moment où on a une conscience un peu sociale, on peut pas... C'est difficile de se dire, de rester les mains croisées et de... Voilà, après c'est... C'est s'engager, c'est savoir ce qu'on peut faire. Oui, chacun a sa place, hein, mais je veux dire, bon, ben... Mais en même temps, ce qui m'a quand même frappé, ben, j'ai eu beaucoup d'occasions d'avoir des retours, mais l'autre jour, c'était fort quand cette femme m'a dit que c'était que du bonheur quand on habitait là, parce qu'il y avait une grande solidarité. Et ça, c'est vrai. Je veux dire, les gens, ils avaient rien. S'ils avaient un paquet de pâtes et Claude n'avait rien à manger, ils donnaient la moitié de leur paquet de pâtes. Hein. Ça, c'était pas du baratin. Oui, il y a beaucoup de souvenirs, en tout cas, d'habitants hein, qui parlent justement de cette solidarité. Ah oui, ça, c'est, ouais. Ça, c'est vrai. Ça. Il y avait aussi de l'agressivité. Hein. Les gens s'engueulaient, se bagarraient. Mais il y avait... Il y avait quand même ça... Tout n'était pas gratuit non plus, là, je pense. Hein. Mm-hmm. Il y avait des choses qui devaient se payer. Puis il y a des choses aussi, il y a des choses qu'on nous a remontées aussi, de fêtes. Oui, c'était gay, c'était pas... Il y a aussi des mariages, parce que les gens ont des naissances. Oui, c'était pas un monde uniquement... Ouais. Ben, on n'était pas maso complètement, hein. Il y avait des moments... Oui, c'est vrai, ça. Moi, nous, on a surtout interviewé des personnes d'origine maghrébine, mais bon, ils ont un certain optimisme. Qui ont habité à la campagne. Ouais, une dame qui a aujourd'hui 70 ans, qui avait vécu, qui était passée par là, hein, avant d'aller en cité d'urgence, etc. Et voilà, et elle a une sorte de, je sais pas, comme c'était le destin pour elle. Voilà, ah oui, non, elle mais ça vivait. Là, elle n'était pas malheureuse. Non, ça vivait. Hein, je veux dire, elle savait pas... qu'elle vivait dans des conditions misérables, mais... Mais il y avait aussi l'espoir, parce que les gens avaient du boulot aussi. Mmh. Hein. Moi, ce que j'ai trouvé bien pire que Noisy et la Campa, c'est la cité de Stein. Hein. Pour moi, c'était le pire. Mais j'ai compris pourquoi aussi ça me semblait le pire. Vous en avez entendu parler de cette cité d'urgence, la Cerisée? C'était des baraquements en bois. Alors là, il y avait des familles aussi, des familles françaises. Là, il y avait des familles maghrébines. Mais là, je sais pourquoi ça m'a semblé spécialement dur. Et il n'y a pas longtemps que j'ai compris. C'est que moi, je viens de l'Est de la France. Et le village de mes grands-parents a été démoli, puisque c'était en Moselle, il y a eu la guerre et tout ça. Et après la guerre, quand les maisons étaient démolies, on avait mis des baraques en bois pour reloger les gens. Et je pense que pour moi... Il y a quelque chose qui s'est télescopé entre ces lieux, mais c'était aussi un lieu d'exclusion, mais affreux, quoi, dans Stein. Et c'était étonnant. Mais il y a là-dedans des gens dont j'ai encore des nouvelles, avec qui j'ai des contacts, qui sont devenus des gens chouettes et tout. Hein. Il y avait des familles. Mm-hmm. Mais ça, j'ai le souvenir, par exemple, à Noël, d'avoir vu quelqu'un m'ouvrir son buffet, en disant, regardez ce que je vais donner à mes enfants. Il n'y avait rien. Mais rien, même pas un paquet de pâtes, rien. Bon, moi, je venais pas d'un milieu riche, mais je veux dire, c'était pas ça. Je découvrais... Ah oui, je découvrais. Ouais, là, il y avait quand même, là, les jeunes, les ados, ils étaient déjà pas tellement marrants. Ouais. Même envers nous, des fois, c'était pas facile. Vous avez des souvenirs J'ai l'impression qu'à la campagne, vous aviez plus de... Bah, parce que vous y aviez peut-être vécu. J'ai l'impression que vous avez plus d'images qu'à Noisy. Ah non, non, j'ai beaucoup, beaucoup à Noisy aussi. Mais c'est parce que c'est... Bon... Si, par exemple, à Noisy, j'ai le souvenir, mais ça, si on commence à entrer là-dedans, on n'y est pas sa journée. Je me suis... Bon, moi, j'étais jardinière d'enfants, donc ça s'appelait comme ça, j'étais instite, quoi. Et donc, les enfants, parfois, notre programme, c'était d'aller chercher les enfants quand ils ne venaient pas à l'école. Parce qu'il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait pas de chaussures, donc on n'allait pas à l'école, il n'y avait rien à manger. Donc, il y avait une famille en particulier... et dont j'ai vu certains enfants après qui sont devenus des adultes bien. Et donc là, ils venaient pas à l'école de 3 jours, j'y allais, et là ils étaient couchés, parce qu'il n'y avait rien à manger. Donc bon, quand on intervenait, ils revenaient à l'école. Et une fois, j'arrive dans l'igloo. Là, je rentrais dans les igloos parfois, ouais. Pas beaucoup, mais parfois. Et là, je vois la mère en train de piétiner sa fille de coucou. Et moi, j'étais célibataire. Je partais à Noël chez mes parents. J'avais une quatrelle pourrie. Et je dis, c'est pas possible. J'emmène les 3 enfants pour Noël avec moi. Mais sur un coup de tête, pourquoi elle piétinait ? Parce qu'elle était en colère après. Elle la tapait, elle. D'accord. Elle était hors d'elle, puis il devait rien avoir à manger. Enfin, ouais, c'était. Et là, le père était un intello, incroyable. J'ai jamais su trop ce qui était ce bonhomme, mais bon, c'est une famille très curieuse. Et donc, moi, à l'époque, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Et puis, je fais savoir, je me rappelle même plus comment, à mes parents, que j'arrivais avec 3 enfants. Et puis, ils m'ont renvoyé un télégramme, parents pas d'accord. Et moi, ce soir-là, j'ai pas dormi chez moi. Donc, quand je suis repassée pour prendre des affaires, j'avais 3 enfants dans la voiture. Et j'ai trouvé le télégramme. Ben, je me suis dit, on verra bien. Et je suis partie avec les 3 mômes dans ma voiture. Et on a passé 8 jours à la maison. Et alors, imaginez le tableau, crado, plein de poux. Et pourquoi les parents et vos parents n'étaient pas d'accord, hein? Ben, ils trouvaient que j'étais folle de faire ce que je faisais, là. Donc, eux, ils se disaient, elle vient que 3 mômes. Mais moi, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Et les gamins étaient super. Et on a passé 8 jours super. Mes parents, ils pleuraient quand ils sont partis. Et quand on est revenu, ça, alors, c'est des images qu'on n'oublie pas. Donc, il y avait accroché au grillage qui était devant l'igloo une poupée. Et ça voulait dire, quand c'était accroché, que c'était à vendre. Et la fille, il y avait une fille et 2 garçons, et la fille a dit, juste ça, ah non, pas ma poupée. Ça a été terminé. Elle a rentré sa souffrance. Et ceux-là, ils sont devenus, je sais ce qu'ils sont devenus, et ils sont bien. Ils sont devenus... Bah, elle a des enfants qu'on a eu en vacances et elle est dans le midi, elle, cette fille. Un fils, un jour, elle vient me chercher, elle me dit... parce qu'ils avaient été relogés à Plessis-Trévise, à la Cité de la Joie, ce nom magnifique. Ouais. Et puis, un jour, elle vient, puis elle me dit, Anne-Marie, faudrait que tu m'aides à aller voir mon frère, il est à l'hôpital. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a volé une voiture. Bon, il avait 16 ans. Hein. Il avait été blessé, le copain de la voiture était blessé. J'arrive à l'hôpital, oh, il y avait un flic qui gardait la porte. Ça m'a fait un effet. Bon, je rentre. Et là, je vois une femme qui était avec lui, un peu plus âgée que lui, qui était visiblement sa copine. Bon, je me dis, quand même, là, ça peut être... Parce que... Je veux dire, j'avais eu de ses nouvelles entre-temps, je l'avais revu, et il était vraiment, il piquait tout ce qu'il pouvait, tout. Le sac était là, il était là en train de parler, il piquait le portefeuille. Hein. Il y avait... Alors bon, on avait discuté, et puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu fabriques là, et tout, il me raconte. Bon. Et puis, quelques années après, j'ai été invitée à manger chez ce type-là, qui est devenu chauffeur de taxi. Il avait... une petite fille, il était marié avec cette fille que j'avais vue et qu'il avait connue dans un foyer, je crois qu'ils étaient tous les deux, ils avaient dû être placés à un moment. Et il avait fait la cuisine et tout, c'était top. Donc, des fois, il me dit, mais moi, j'ai eu de la chance, je suis toujours tombée sur des flics qui ont compris, qui m'ont fait faire des travaux, mais j'ai jamais été en prison. Mais il dit, je t'assure, j'ai jamais avoué. Il dit, je te prenais dans ta poche, c'était pas moi. Mais lui, je pense que de tous les élèves que j'ai eus, c'était le plus brillant que j'ai eu, de tous les enfants que j'ai eu à m'occuper dans ma carrière. Malgré les conditions. Ah ouais. C'est pour ça que faut jamais trop se faire d'idées noires, parce que. Mais alors j'étais naïve, j'y suis encore. Un jour il me parle de sa mère et puis il dit on était étonnés parce que quand même elle avait du courant que le soir chez elle. Elle habitait Brie-Comte-Robert, elle s'était branchée en direct sur le lampadaire de la ville pour pas payer l'abonnement EDF parce qu'elle avait pas de sous. Elle avait fait une installation à la sauvage. Donc, elle avait du courant que quand les lampadaires étaient allumés dehors. Mais je dis, je comprends pas qu'ils veulent te laisser piquer comme ça. Il dit, quoi, ma mère, elle peut vider toute seule un camion de télévision pour leur vendre. Il dit, y a pas de problème. Donc, en même temps, on est en décalage quand on travaille dans ces milieux parce que, mais c'est bien aussi d'avoir, c'est pas de la naïveté, c'est pas chercher à tout savoir. Bien sûr. Parce que sinon, on voit que le côté délinquant, on voit pas le côté qui va vers la vie, quoi. Ressurgir. Oui. Et qui ressurgit, je crois beaucoup à ce que raconte Cyrulnik, l'histoire des rencontres et tout. Ah oui, ça, j'y crois beaucoup. Bon, je suis pas naïve, tous ne s'en sont pas sortis, mais, par exemple, il y a une famille de Stein où ils étaient 17 enfants. Et dans cette famille, il y a eu de tout. Il y a eu meurtrier, il y a eu une fille qui avait 4 enfants à 18 ans. Et il y avait la 16e sur 17, qui est cette petite fille qui a été beaucoup avec nous en vacances à la montagne, qui sympathisait beaucoup avec la fille qui était jardinière d'enfants. Et elle est devenue institutrice. Oui. Eric. Celle-ci. Non, c'est l'autre. J'arrive pas. Tu vois le bâton là-bas, j'arrive plus. Merci. Oui, elle est devenue institutrice, mais ce qui est génial, elle était à un moment à la Courneuve, elle s'est jamais coupée de son milieu. Et ça, je trouve ça formidable, parce que la mère, c'était une femme étonnante. Mm-hmm. Elle a accepté ses enfants comme ils étaient, les délinquants comme les autres. Et puis, la fille qui avait eu 4 enfants à 18 ans, elle nous disait, moi, je n'achète que le pain, tout le reste, je le vole, pour nourrir sa famille. Elle n'a pas été en tôle. Mm-hmm. Elle s'est débrouillée. Voilà, ben je crois que j'ai fait un beau tour d'horizon. Oui. Non, c'est, dans le passé. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir. Voilà, parce que peut-être qu'il y a des comme choses. Comme vous qui voulez, peuvent mais revenir, je vous dis, moi, là, je suis là jusqu'à fin juin et oui. Après, je serai partie septembre-octobre. D'accord. Enfin, juillet-août, je ne suis pas là non plus, ouais. Mais vous ne travaillez pas non plus, je pense. De toute façon, septembre-octobre, la fac ne reprend pas. On oui, prend donc, fin octobre. Donc c'est bon. Si jamais j'ai en besoin novembre, d'avoir des contacts, bon. Si oui. On se revoit. Fin octobre, je serai là. D'accord. C'est ce que j'ai noté. J'ai oui, mis, oui. On se recontacte. Ça a marché ou pas? Oui, mais tu vas avoir un problème. Si tu la... Il faut que je la démonte et que j'enlise les fiches. D'accord. T'as fini là? Oui, j'en ai un peu fini la peinture, je me sauve. Bon, tu reviens lundi? Oui. D'accord. Voilà. Tu feras des comptes un jour. Oui. Tu feras des comptes. C'est dommage qu'on n'ait pas de photos. Oh, bah là, il y en existe. Voilà la chapelle qui a été construite par le Père Joseph avec un vitrail de Bazaine dedans. Ça, c'est la forme d'un igloo. Sauf que c'était plus. Et ça, c'est ATD Carmonde. Voilà les locaux où le mouvement est né. D'accord. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le pivot culturel. Moi, c'est là que je travaille. Là, c'est le Père Joseph qui avait construit le foyer féminin pour que les femmes viennent faire la lessive, etc. Vous avez votre appareil photo, Samuel, moi, ou pas? J'ai mon téléphone. Bah, ça fait des bonnes photos. Et puis ça, c'est les bureaux de l'ATD. Et puis ça, c'était autrefois un bar pour les ados. Et maintenant, c'est là que l'équipe se réunit. Attends, et puis derrière, vous avez 5 minutes ou pas? Parce que je fais ça où vous voulez. Non, mais on va là. Alors, il y a un atelier pour les gens, ça s'appelle TAE. Ils font de la peinture et de la rénovation d'ordinateurs pour des gens en difficulté. Et il y a les classes, c'est plus des classes de jardin d'enfants, ils appellent ça pré-pivot, c'est pour des plus petits. Parce que maintenant, l'école, elle est à côté. Donc, voilà, c'est lui qui a fait l'exposition sur d'accord. Champy. Salut. Je fais visiter Incognito, tu ne m'as pas vu. Bonjour. Bonjour. Elle travaille, madame travaille à la fac à Paris 13 et un étudiant. Ah, très bien. Voilà, donc je te raconterai après. Oui, mais, oui j'écoute bien. Vite fait. Salut. Salut. Ce serait bien que vous preniez l'igloo, là, Samuel. Donc ça, c'est la chapelle. Alors ça, c'est le côté catholique, mais c'est pas le... Et ça, ça doit être... Je sais pas ce que c'est, s'il y a eu un mariage, un baptême. Mais ça, c'est pas des gens de la cité. Hein. Ah, mais il est encore là, Louis ? C'est ça. Mais t'es encore là ? Mais t'es toujours là ? Simon. Salut, qu'est-ce qui se passe ? Baptême. Peut-être à tout à l'heure. Okay. Ouais, c'est avec lui que je travaille à TD. Bruno, il est volontaire. Le Simon, il vient de partir, il était là l'année dernière. D'accord. Donc maintenant, l'école est là. Mais avant, il faut imaginer que cette rue, le bidonville, il était là. Donc ça, c'est la cité. Le bidonville était sur ce terrain. Derrière, c'était des forêts. Donc il y a des immeubles et des... Peut-être qu'on fera un parcours avec vous. Je verrai avec la deuxième promo de master. Peut-être faire une balade. Oui, commenter. Et commenter avec vous si c'est pertinent de travailler sur Noisy. Il est burkinabé, lui. Il est sympa, ce gars. Ouais. Donc voilà, le bidonville, c'était tout ça. L'épicier, il faut se voir, était là. Ouais. Quand. Et tout ça, c'était pas goudronné. D'accord. Donc les enfants allaient à l'école un peu plus loin, mais c'était tartiné de la boue, donc ils arrivaient forcément dégueulasses. En imaginant que sur tout ce grand terrain, il y avait quatre fontaines. Voilà. Donc maintenant, je vais vous emmener prendre le métro. Ah oui, il faudrait peut-être qu'on fasse un petit parcours avec une petite caméra vidéo. Et la famille dont je parle, qui vient de la campagne, ils habitent au bout de cette rue-là, pas loin. D'accord. Donc... Donc là, il faudrait peut-être... L'épicier était là, mais ça, il y a des tonnes de photos. Bah, dans l'exposition qu'a fait Gustave, oui, il était... Donc les gens venaient là, il avait une petite cabane, il avait une belle maison derrière. Et il vendait... on allait à l'épicerie. Enfin, moi, j'aimais pas y aller parce qu'ils vendaient tout un peu pourri. Mais... mais alors, les écoles, il y en a une là, il y en a une là, il y en a encore une autre plus loin. Parce que le quartier, évidemment, a évolué. Donc... c'est plus pareil pour les enfants, et les enfants de la cité ne vont pas tous dans la même école. Mais maintenant, moi, pour avoir travaillé dans cette école-là plusieurs années, bénévolement, on les distingue plus, les enfants. Hein. Mais c'est quand même pas lui qui bâtisse sa vie, nous.